Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je veux faire cette petite exhortation. Parce que tout dernièrement, je parlais avec une personne. Et la personne m'a dit, frère, en ce moment, comme beaucoup d'hommes de Dieu sont au courant de l'utilisation des bagues magnétisées, des grosses bagues. Vous avez vu les doigts d'un franc-maçon, celui qui est dans la franc-maçonnerie, il a des grosses bagues. Celui qui est dans la Rose-Croix, il porte des grosses bagues. C'est des bagues travaillées. Ce ne sont pas des bijoux, c'est des bagues travaillées. Et vous avez également des hommes de Dieu qui ont recours à des bagues travaillées pour opérer des miracles dans les églises. Jésus ne portait pas des bagues. Les disciples de Jésus ne portaient pas des bagues. Jean-Baptiste qui prêchait dans le Jourdain n'avait pas de bagues au doigt, des grosses bagues là. C'est des bagues occultes. Je vous ai dit la dernière fois que les hommes de Dieu vont voir les marabouts. Moi, je parle de mon cas parce que je voyais ça. Je voyais des gens venir voir le grand marabout avec qui je bossais. À chaque fois que les gens entraient dans la salle de consultation, j'étais le seul qui devait assister à la consultation. C'est moi qui avais le gros cahier du marabout. Je devais noter tout ce que le démon dira, ou l'esprit des morts. Parce que quand le marabout rentrait en transe, sa voix changeait. Ce n'était plus sa voix. C'était une autre voix qui sortait de sa bouche. Et ce que cet esprit disait sur le client qui est en face, c'est moi qui écrivais. Oui, il y avait des prêtres catholiques. Oui, il y avait des pasteurs évangélistes qui venaient travailler des bagues. Bien aimé, les faux hommes de Dieu, c'est une réalité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Matthieu, chapitre 24, au verset 24, de la bouche de Jésus, il dit, ils seront nombreux. Ils vont faire les miracles. Ils feront les miracles. Mais vous allez les reconnaître par leurs fruits. Ils feront tout pour séduire un plus grand nombre de personnes. C'est Jésus qui le dit. C'est pas moi. Donc toi qui ne crois pas à l'existence de ces faux hommes de Dieu, Satan t'a aveuglé. Nous savons que Jésus est la vérité. Si Jésus dit qu'ils seront nombreux, c'est qu'ils sont réels. Ils existent. Ils sont aujourd'hui dans nos murs. Ils ont ouvert les églises. Ils se sont mélangés avec les vrais envoyés de Dieu. Ils ont tous les mêmes titres. Apôtres, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, les mêmes titres. Ils se sont mélangés aux vrais hommes de Dieu. Mais Jésus dit, même s'ils sont ensemble, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Le témoignage. Ils ont un témoignage pourri. Ils sont à fond sur les choses de la chair. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. Ils aiment la belle vie. Ils veulent vivre dans le luxe. Ils ont besoin du pognon. Et ils ont recours parce qu'ils ont compris que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Alors ils vont voir les marabouts. Le marabout travaille. Le marabout avec qui j'étais, la chaînette, gourmette, bague. C'est toi qui achetais ta bague. C'est toi qui apportais l'objet. Tu viens lui donner. Et lui devait travailler la nuit, invoquer les esprits sur ces objets-là entre 1h du matin et 3h du matin. Il allumait des bougies de couleur rouge. D'accord? Et le lendemain, généralement, on envoyait des jeunes venir chercher le paquet. Frère, nous sommes dans les temps de la fin. Ma soeur, ce n'est plus le moment de courir bêtement derrière les miracles. Le miracle est fait comment? Savez-vous ce qu'on appelle une incantation? Qu'est-ce qui se passe? Si une bague est travaillée, quand le marabout travaillait les bagues, parfois on allait dans une forêt la nuit, à côté d'une rivière. Il devait invoquer les esprits des eaux, afin que ces esprits apportent leur touche sur les objets qui ont été déposés par des clients. Il partait faire ça la nuit. Aujourd'hui, je suis en Christ. Je comprends mieux maintenant ce qu'il partait faire dans l'eau la nuit. On était à deux. Et parfois, lorsqu'il faisait des bagues, des trucs, dans sa salle, tout est barricadé, on a fermé portes et fenêtres. Il me disait, tu vas lire les psaumes de David. Il, tu vas les lire. Et moi, je vais lire à haute voix pendant qu'il est en transe. Bien aimé, j'ai vu des choses, j'ai vu des choses. D'accord? C'est ça la réalité aujourd'hui. Le monde, Satan ne sait plus quoi faire. Il sait que le temps est court. Bientôt, il va aller dans le lac de feu. Il est conscient, il le sait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il entraîne les gens dans la perdition. Bien-aimés, nous devons être vigilants maintenant. Qu'est-ce qu'on m'a dit il y a de cela 2-3 jours? On m'a informé qu'un homme de Dieu, il est touché par les vidéos qui dénoncent les mouchoirs magnétisés, les huiles d'onction qui ont été travaillées par le marabout toute la nuit et qui sont dotées d'un pouvoir occulte. Ce pouvoir fait que lorsque l'homme de Dieu met cette tuile ici sur la main et te touche, tu entends. En fait, c'est des esprits liés à l'objet qui sont en train d'agir sur toi. C'est quoi une incantation chez les marabouts? Je vous fais rapidement un petit témoignage. Moi, j'avais une grosse bague ici. Il ne fallait pas que si je couche avec une femme, la main la touche le sexe de la femme. Sinon, je risquais de perdre la puissance de la bague. D'accord? Mais c'est quoi une incantation? Le marabout communique avec des esprits. Il prend la bague que tu as apportée. Il va lier à la bague une puissance démoniaque. Pour que cette puissance puisse agir quand tu le veux, il faudrait que tu fasses une incantation. Une incantation, quel genre d'incantation? Le marabout te dit, bon, l'esprit qui est lié à la bague s'appelle soleil. Donc, quand tu veux que l'esprit agisse, il suffit de dire soleil, soleil, soleil. Les gens vont croire que tu parles du soleil qui se lève le matin. En fait, tu t'adresses à un démon. Le démon qui est lié à la bague ou au mouchoir magnétisé ou à l'huile. Le marabout peut te dire, tu vas l'appeler feu. Tu l'appelles feu. Ce qui fait que lorsque tu seras là devant les gens, feu, feu, feu, feu. En fait, c'est une incantation. Tu t'adresses à cet esprit, c'est un langage codé. Les gens qui ne connaissent pas, eux ne comprennent rien. Ils pensent au feu de bois. Ils pensent au feu quand tu as les tiges d'allumettes là. Ils pensent au feu quand tu allumes ton gaz. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est un démon qui a pris ce nom. Satan, c'est un menteur. Combien de fois pour les personnes qui font les délivrances? Parce que moi, j'ai déjà connu ça. Tu imposes les mains, un esprit se manifeste. Tu lui dis, c'est qui ton nom? Seigneur. Il te dit, je m'appelle Seigneur. Vous vous rendez compte? Mais la Bible dit qu'il y a plusieurs seigneurs. Des faux seigneurs. Mais c'est un démon qui te dit, mon nom est Seigneur. Et pourtant, s'il y a des nouveaux convertis, ils vont penser que c'est le Seigneur Jésus. Mais non, c'est des démons. Les démons prennent n'importe quel nom. Ce sont des menteurs. Donc un démon peut dire, moi c'est feu. Et quand j'impose les mains aux gens, feu, feu. Vous voyez les gens tomber par terre, feu. Les gens tomber, feu. En fait, je suis en train d'ordonner au démon qui travaille avec moi, qui s'appelle feu, d'agir. D'agir, bien-aimé. Et ce qu'on m'a raconté tout dernièrement, il paraissait qu'un homme de Dieu, devant ses fidèles à l'église, il a dit, ok, vous avez entendu dans les vidéos des gens qui condamnent des grosses bagues. Ok, moi je vais vous montrer que mes grosses bagues n'ont rien à voir avec l'onction qui est sur moi. Il paraît, il a enlevé les grosses bagues, il les a données à une personne, devant les fidèles, devant tout le monde. Bon, je vais vous montrer que même sans mes bagues, j'ai le pouvoir, parce que Dieu est avec moi. Et il a commencé à imposer les mains aux gens. Les gens tombaient par terre, et il a dit, alors, n'est-ce pas, j'ai enlevé les bagues, mais vous voyez bien que même sans les bagues, les gens tombent. Donc c'est pour vous dire que mes bagues n'ont rien à voir avec l'onction qui est sur moi. Bien aimé, cet homme se moquait de vous. C'est un menteur. Je vais lire un passage biblique dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 19, du verset 18 au verset 19. La Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. Frère, je sais de quoi je parle. Parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, il fallait brûler ce que j'avais. Parce que j'avais des bagues. Je les avais. D'accord? J'avais les bagues. Je me souviens une des bagues. Quand le soleil se lève le matin, je cherche où se lève le soleil. Et il faut que les rayons du soleil, quand ça sort très très tôt le matin là, frappent sur mon front. C'est-à-dire je m'en vais me placer là où le soleil, quand il se lève, il faut qu'il frappe mon front. Ensuite, je mets la crème. D'accord? Et si j'ai envie de sortir avec toi, je connais ton nom. Je cite ton nom au moment où je mets la crème. Et je fais tout pour te rencontrer la journée. Je parle ici d'une femme. Parce que c'était une crème pour femme. Et quand je vais te croiser, malheur à toi si tu me regardes. Parce que tu vas me voir briller comme le soleil. Mais c'était un démon. C'est du diable. Bien aimé, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai brûlé tout ça. La Bible dit, Actes 19, du verset 18 au verset 19, les gens brûlaient devant tout le monde. On brûlait les objets qui avaient touché à l'occultisme, on les brûlait devant tout le monde. Si ton pasteur veut vous prouver sa bonne foi, parce qu'il ne suffit pas d'enlever les bagues, il les pose de côté, il impose les mains, ça ne change rien. Il pouvait même laisser la bague dans sa voiture. Les démons qui sont liés à la bague vont toujours agir. Parce que lorsqu'il va dire feu, feu, feu, les démons en question comprennent le langage codé. Ça veut dire que leur maître leur autorise, ordonne d'agir. Comment détruire la puissance maléfique qui est liée à la barre, à la chaînette avec crucifix ou au mouchoir? Il faut que ça passe par le feu. Si le pasteur fait encore ce cinéma devant vous, dites-lui, homme de Dieu, nous voulons être sûrs. Si vraiment tu veux nous prouver que tes bagues là n'ont rien à voir avec ça, quelqu'un a un briquet ici, demandez dans la foule si quelqu'un a un briquet. Ensuite, cherchez des bouts de carton, des papiers, il faut que l'objet soit brûlé, il faut que l'objet passe par le feu. Il faut que ça passe par le feu, qu'on ne vous roule pas dans la farine. Donc ce que cet homme de Dieu a fait, c'est du pipeau. Je dis, c'est du pipeau. Il enlève les bagues. Il pose. Alors, regardez mes mains. Et il impose les mains, les gens tombent. Mais est-ce que j'ai les bagues? Non. J'ai enlevé? Non, non. Ça ne veut rien dire. Parce que quand il va dire fire, fire, fire, il s'adresse à un esprit. C'est un démon qui s'appelle comme ça. On appelle ça une incantation. C'est-à-dire, tu t'adresses à une divinité, à un esprit. Et c'est cet esprit qui va agir en fonction du contrat entre toi et le marabout. Parce que c'est les consignes. Le marabout t'a dit, ok, la bague que tu as amenée, je l'ai attachée à une puissance. Cette puissance, on va l'appeler feu. D'accord? Quand tu veux que le démon qui s'appelle feu puisse agir, il suffit de dire feu, feu. Le démon va comprendre. Il saura ce que tu lui demandes de faire. C'est ça. Donc, un vrai homme de Dieu ne porte pas de chevalière. Les chevalières, on les trouve sur les doigts de ceux qui pratiquent la franc-maçonnerie et d'autres réseaux ésotériques. Aucun disciple de Jésus ne portait des trucs ici. Donc les grosses bagues que vous voyez sur les doigts, ces grosses bagues servent à quelque chose. Le franc-maçon, celui qui est dans la franc-maçonnerie qui met la grosse bague, il sait à quoi ça sert. C'est pas un bijou. Il y a une puissance dedans. C'est des bagues qui sont données dans les loges. On a fait des incantations dessus. D'accord? Et là, je voudrais m'adresser aux jeunes femmes. Tu as un mari. Quand il se déshabille, il a une chaînette, soit dans le t-shirt ou dans la chemise. La chaînette là, il ne la met jamais dehors. Il la glisse là-dedans. Parce que c'est fréquent dans la Rose-Croix. On vous donne des chaînettes des chaînettes. Ce sont des chaînettes travaillées. Ce n'est pas un bijou parce qu'un bijou, est-ce qu'on le cache? Est-ce qu'on cache un bijou? Mais lui, il a la chaînette, il la glisse là-bas, soit dans la chemise ou dans le t-shirt. C'est des chaînettes travaillées. Ces chaînettes-là sont magnétisées. Bien-aimés, nous vivons sur terre avec les enfants du diable. Nous nous comptons sur Dieu, et comptent sur leur ventre et sur leur maître, le diable. Pendant que nous, on dort la nuit, eux vont dans le monde occulte la nuit pour assister à des réunions. Parce que quand ils vont assister à des réunions, on leur donne, on leur dit tout, comment procéder pour bloquer les enfants de Dieu. Parce qu'il y a une guerre sur la terre. Apocalypse chapitre 12, que dit la Bible? La Bible dit que Satan fait la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus et qui gardent les commandements de Dieu. Il y a la guerre. Bien aimé, tu es en Jésus, tu es en guerre. Tu es en Jésus, il y a des ennemis qui en veulent à ta vie. Satan te hait. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Satan, sa volonté est que tous les hommes avec lui aillent en enfer. C'est ça la mission. C'est ça le plan du diable. Et toi, tu as donné ta vie à Jésus. Satan te déteste. Et pendant que toi, tu dors la nuit, tu ronfles là. Tu es sous la couette. Mais le diable, lui, est en train de calculer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour t'arrêter? Comment faire pour te lier au péché? Donc, en ce qui concerne les faux hommes de Dieu, quel est le contrat? Le contrat avec le diable, c'est quoi? Grâce au miracle que je vais faire dans ton ministère, beaucoup de personnes viendront vers toi parce qu'ils verront la démonstration de la puissance. Ils vont croire que c'est de Dieu, mais en réalité, c'est moi. D'accord? Toi, tu auras l'argent. Parce que plus tu auras beaucoup de monde, tu auras beaucoup de dîmes et des offrandes. Mais moi, je gagne quoi? Je gagne l'éloignement de ces milliers de personnes vis-à-vis de Jésus. Parce que Jésus dit, ils vont faire les miracles pour séduire. Le problème, c'est quoi? C'est que plus cet homme fait des miracles, il publie sur Facebook, il publie sur YouTube. C'est pour que tout le monde le voit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les gens partent d'Espagne, Suisse. Oh, il y a l'homme de Dieu en Grande-Bretagne, on prend les trains. Il est en Belgique, on court. Parce que les gens sont attirés par les miracles. Les gens ne sont plus attirés par le salut. C'est par les miracles. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux. 10 lépreux, 10 hommes, ils avaient la lèpre. Ils sont venus voir Jésus. Ils avaient besoin de guérison. La Bible dit que les 10 ont été guéris. Une seule personne a suivi Jésus. Et Jésus lui a dit, où sont les autres? Tout à l'heure, vous étiez au nombre de 10. Et il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Celui-là, ce lépreux-là, ce texte lépreux, a eu et la guérison et la vie éternelle. Les 9 autres ont eu qu'une guérison. Bien-aimés, ne cherche pas les miracles, ne cherche pas la guérison, parce que tu peux avoir toutes les guérisons et aller en enfer. Tu peux avoir tout l'argent du monde et aller en enfer. La bénédiction ne t'amènera pas au ciel. D'accord? Si tu cours derrière les impositions des mains, juste pour que ton commerce marche, juste pour que tu trouves un mari, juste pour que tes études marchent, tu cherches juste la bénédiction. Mais tu iras en enfer. C'est pourquoi aujourd'hui, Satan pousse ses agents à faire que des miracles, parce que les hommes suivent les miracles. Les hommes courent derrière les miracles. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, cherche en premier le royaume. Le reste, les guérisons, les délivrances, les bénédictions, c'est après. Cherche en premier le royaume. Et le reste sera donné. C'est pourquoi je termine en disant que si un homme de Dieu, où que vous soyez, il avait des bagues, vous avez remarqué que les bagues ne sont plus là. Bien aimé, c'est la preuve que cet homme a entendu ce qui se dit dans les vidéos et il a décidé de cacher ses bagues. Mais c'est la preuve que ce sont des bagues occultes. La preuve, il les a enlevées. Qu'est-ce qu'il doit faire s'il veut vraiment vous prouver sa bonne foi? Il doit réunir l'église. Comme dans Actes des Apôtres, au chapitre 19, les choses étaient brûlées devant les fidèles. Le pasteur lui a dit, ok, après le culte, il appelle l'église. On va derrière la maison. On cherche des bouts de papier, des cartons, des petits bois. Quelqu'un a un briquet? Oui, on lui donne le briquet. Il pose les bagues. Il les brûle. Il faut que ça soit brûlé. Tant que c'est... Parce qu'il n'y a que le feu qui va détruire le lien démoniaque qu'il y a entre cette bague et le monde occulte et la divinité que le marabout a lié à la bague. Tant que ça ne passe pas par le feu, tout est intact. Même s'il les enlève, il peut même laisser la bague dans sa valise à la maison. Il peut même laisser la bague dans sa voiture. Tant que l'objet n'est pas brûlé, tant que ça ne passe pas par le feu, tout ce qu'il peut vous dire, c'est du pipeau, c'est du cinéma. D'accord? Donc, ce que cet homme de Dieu a fait là à l'église, pour, si j'avais été là, j'allais lui dire, monsieur, j'allais me présenter. Et j'allais lui dire, monsieur, que vous enlevez les bagues, vous posez à côté, vous imposez les mêmes bouches. J'allais lui dire, mon frère, moi là, je suis passé par ces choses-là, je connais. D'accord? Si vraiment tu veux nous prouver ta bonne foi, d'accord? On sort du bâtiment, on brûle ça dehors. Il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter qu'on brûle. Parce que sa puissance dépend de ses balles. Sa puissance dépend de ce mouchoir magnétisé. Sa puissance dépend de ces huiles d'onction qui ont été travaillées par le marabout. Le marabout a fait des incantations sur ces huiles. Donc, vous qui partez acheter ces bouteilles d'huile-là. Je connais une femme qui m'avait dit, depuis que j'ai amené cette bouteille à la maison, j'ai des cauchemars la nuit. Mais oui, parce que ces bouteilles d'huile-là ont été travaillées par le grand marabout. On a fait des incantations, c'est-à-dire on a lié des démons à ce tuile-là. L'huile est déjà souillée par les démons. Toi, tu la mets dans ta chambre. Les démons qui sont liés à ce tuile, tu les entraînes dans ta chambre. Bien-aimés, lisez la Bible. Il est temps que les enfants de Dieu marchent selon ce que la Bible dit. Lisez la Bible. Qu'on ne vous balance pas de gauche à droite comme un ballon. Arrêtez. Vous avez des gens qui sont encore depuis 10 ans, qui sont encore comme des bébés. C'est choquant. Lorsque vous êtes à l'église, vous demandez, on va lire dans Éphésiens. Vous avez des gens qui cherchent Éphésiens dans l'Ancien Testament. Vous vous rendez compte, tu es en crise depuis 4 ans. Tu n'as pas encore compris que le livre de Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. Ne cherche pas Jérémie dans le Nouveau Testament. Mais vous avez des gens, quand tu en dis, on va lire un Pierre. Ils cherchent un Pierre dans l'Ancien Testament. Mais Satan aime ça. Il va vous rouler dans la farine parce qu'ils savent. Jésus a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais vous allez avoir la connaissance comment si vous ne lisez pas la Bible? C'est pourquoi Satan, dans les religions, je vais prendre une religion comme la religion catholique. Le diable a roulé des millions de catholiques dans la boue parce qu'il ne leur a pas permis de lire la Bible. Vous pouvez discuter avec un catholique de 20 ans catholique. Il ne connaît pas la Bible. Satan les a entraînés sur des petites brochures où des gens ont fait leur salade. Des gens ont écrit ce qu'ils ont voulu écrire. Mais ils ne connaissent pas la Bible. Je me souviens, j'ai mis pied par curiosité dans un temple de témoins de Jéhovah à Amiens, en Picardie. Et j'ai remarqué que la plupart des personnes qui étaient dans la salle, c'était des gens qui étaient catholiques au départ. C'est-à-dire que les témoins de Jéhovah ramassent facilement les personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, les sectes peuvent t'embarquer à tout moment. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et il faut connaître la vérité. Bien-aimés, la Bible est éternelle. La Bible, c'est la parole de Dieu. D'accord? Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. La même parole de Dieu que nous avons ici. Quand on va se retrouver de l'autre côté là-bas, on va trouver la même parole de Dieu. Elle est éternelle. Dieu ne change pas de langage. C'est la même parole. Bien-aimés. Donc, que Dieu vous bénisse. L'heure est arrivée où chacun doit faire attention. Moi, je ne te demande pas que les choses soient claires. Je ne te demande pas de quitter ton église. Non. Parce que quand les gens ont demandé à Jésus, par rapport aux pharisiens, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus dit quoi? Ce que les pharisiens vous disent de faire par rapport aux Écritures, pratiquez-le. Mais n'agissez pas selon leurs actes. Ça veut dire quoi? Peu importe l'église où tu te trouves, moi, je ne te dis pas de quitter ton église. Non. Mais ce que je te demande, c'est d'être vigilant. Il faut être comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, dans Actes des Apôtres, on nous parle des chrétiens de Béret. La Bible dit, lorsque Paul, l'apôtre Paul, est allé prêcher à Béret, les chrétiens de Béret n'ont pas dit, c'est le grand Paul. On connaît son ministère. C'est un vrai homme de Dieu. On va gober bêtement tout ce qu'il dit. Mais non, la Bible dit, ils examinaient les Écritures afin de savoir si ce qu'il dit est biblique. Peu importe l'homme que tu appelles papa, pasteur, la maman, bien-aimé, ne fais pas à gauche, à droite. Non, vérifie dans la Bible. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas un péché de dire à l'homme de Dieu, pasteur, pouvez-vous me donner la référence biblique qui me dit de faire ce que tu me dis de faire? Je veux juste la référence. Ce n'est pas un péché. C'est normal. Parce que tout homme est faillible. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Lorsque tu vas mourir, parce que nous sommes tous appelés à mourir un jour, quand tu vas te retrouver devant Jésus là, il y aura Jésus et toi et sa parole. Il n'y aura pas ton pasteur. Tes parents ne seront pas là. Le diacre de ton église, il ne sera pas là. D'accord? Ton prophète que tu suis partout là, il ne sera pas là. Il y aura Jésus, toi et sa parole. Et Jésus va te juger par rapport à sa parole. Donc si tu essaies de lui dire, mais c'est le pasteur qui m'avait dit de faire, Jésus va te dire, attends, c'est le pasteur qui t'a appelé à le suivre ou bien c'est moi Jésus. C'est moi le berger, c'est moi le sauveur, le vrai sauveur. D'accord? Donc c'est pourquoi, frère, lisons la parole, soyons bibliques. Et le diable fuira loin de nous. Donc, frère, l'heure est arrivée où vous devez ouvrir vos yeux. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. À l'heure où je vous parle, les faux hommes de Dieu se sont mélangés aux vrais. Et Jésus dit, soyez vigilants. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Regardez le témoignage. Regardez tous ces coureurs de jupons qui se disent pasteurs et qui mettent les filles enceintes dans l'assemblée, dans la, même au quartier. Combien de femmes de pasteurs ont divorcé à cause de l'infidélité de ces faux hommes de Dieu? Parce qu'un vrai homme de Dieu marche dans la sanctification. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. En quelque sorte, les désirs de sa chair, il les dominait. Et il dit, de peur d'être moi-même rejeté par Dieu après avoir prêché aux autres. Paul savait que ce n'est pas parce que je suis le pasteur que je suis sauvé. Il faut que je marche dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais ces hommes de Dieu qui marchent dans la pourriture, ces hommes de Dieu qui courent derrière l'argent, qui court derrière le sexe. Et il vous dit, je suis le général tel, je suis le révérend tel. Et regardez le témoignage. Bien-aimé, l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Mais ce coureur de jupons là, sa femme a divorcé. Toi qui es dans l'assemblée, tu couches même avec lui, avec ce faux pasteur. Pourquoi tu joues avec ton âme? Bien-aimé, l'heure est arrivée. Jésus te regarde. Jésus attend que tu prennes une décision. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de sauver ton âme. Dieu ne te force pas. Dieu ne viendra pas avec un bâton derrière le dos. Non. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Ça, c'est la parole de l'Éternel. C'est à toi de choisir. Donc, ce faux homme de Dieu, tu le vois là en costume. Il vient jouer au grand homme de Dieu. Alors que tu couches avec lui. Tu sais bien que hier à l'hôtel, vous étiez ensemble. C'est un homme marié, il couche avec toi. Bien-aimé, ne reste pas dans cette situation parce que tu risques d'aller en enfer. Si la mort te surprend là, personne ne connaît son jour. Donc, peuple de Dieu, remerciez le Seigneur parce que Dieu est en train de tout faire pour mettre à nu les œuvres des ténèbres. Jésus a dit, il n'y a rien de caché. Qui ne sera découvert rien. Je mettrai tout à nu parce que Jésus est la lumière. Et Jésus va faire en sorte que Satan il n'aura plus d'endroit où il peut se cacher. Tout sera nu, tout, parce que Jésus est la lumière. Et sa lumière va éclairer tous les bouts du monde, partout. Satan ne pourra pas se cacher. Les enfants du diable qui ont accepté de travailler avec la puissance de Satan pour opérer des miracles, pour séduire les gens, vous n'aurez point de repos. Jésus va vous livrer publiquement en spectacle. Tout ce que vous faites de gauche à droite sera mis à nu. Parce que vous avez choisi le camp de l'ennemi, parce que vous voulez l'argent, vous voulez la bonne vie. Vous voulez être millionnaire, rouler dans des voitures de luxe, construire des châteaux. avec l'argent des brebis de Dieu. Mais je peux vous dire que Dieu ne vous laissera pas piétiner ces brebis. Parce que Jésus a souffert pour ces brebis-là. Bien-aimé, enfant de Dieu, que Jésus te bénisse. Prie tout le temps afin que Dieu t'ouvre les yeux. Demande, Seigneur Jésus, quand ton pasteur te dit de faire quelque chose, prie. Prie, Seigneur. Prie le Seigneur. Prie. Ce n'est plus le moment de faire les choses aveuglément parce que les vrais hommes de Dieu existent et les faux que Satan a inspirés se sont mélangés aux vrais. Le pasteur que tu as à l'église, là, que tu appelles papa, Dieu seul sait si c'est vraiment un vrai. Mais regarde ces fruits. Jésus t'a dit, regarde ces fruits. Parce que ces faux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne perdent pas leur temps à prêcher la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas là pour le salut des âmes. Ils sont là pour faire le spectacle. Ils sont là pour les miracles. Parce qu'ils ont confiance au pouvoir qu'ils ont. Ils ont confiance à leur barre. Ils ont confiance à leur mouchoir. Parce qu'il y a des mouchoirs magnétisés. Vous allez voir un homme de Dieu, il tient le mouchoir par ici, il impose les mains. Parfois, quand il fait son mouchoir comme ça, si son mouchoir te touche, tu tombes par terre. Ce sont des mouchoirs travaillés. Ce n'est pas un mouchoir simple. Vous avez d'autres. Ils ont reçu l'huile d'onction, l'huile d'olive. Cette huile d'olive a été travaillée la nuit par des grands marabouts qui ont fait des incantations dessus. S'il met l'huile là dans la main, te touche, tu tombes. Parce que les esprits qui ont été liés à cette huile, ces esprits-là, quand ils te touchent, les esprits-là vont agir sur toi. Et vous allez croire qu'il a l'onction de Dieu, alors que ça n'a rien à voir avec l'onction de Dieu. Dans Actes des Apôtres, la Bible nous parle d'une femme qui prophétisait à chaque fois que Paul passait et sa délégation. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Tous les jours, Paul en avait marre. Et quand Paul a fixé les regards sur cette femme, Paul a vu le démon de Python. C'est un démon. Est-ce que ce que ce démon disait sur Paul était faux? Mais non, Paul est bien homme de Dieu. Paul annonce bien la voie du salut. Et pourtant, cette prophétie vient de la bouche d'un démon. Je vais vous dire par là que ce n'est pas parce que le pasteur que tu as là, qui a des bagues là et tout, il t'a dit ce qui est vrai dans ta vie, que c'est forcément un homme de Dieu. Est-ce que cette femme, c'était une sorcière? La Bible dit qu'elle avait un esprit de Python. Actes des Apôtres, chapitre 16. Elle avait un esprit de Python. Est-ce qu'elle avait le Saint-Esprit? Et pourtant, la prophétie qui sortait de sa bouche était vraie. Donc, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu t'a dit, ton mari t'a fait ça, et que c'est vrai, que forcément, Satan aussi peut te donner une prophétie qui est vraie. La preuve, l'esprit de Python, ce n'était pas un mensonge. Paul est bien serviteur de Dieu. Paul annonce bien la voie du salut. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Donc, ce n'est pas parce que celui-là, ses prophéties, il t'a dit, tu as dit, dans le sac, et tu ouvres comme ça, tu as dit, que oh, c'est vraiment un homme de Dieu, ce qu'il me dit est vrai, ça ne veut rien dire. La femme qui avait l'esprit, le démon de Python, est-ce que ses prophéties étaient vraies? Mais oui. Est-ce qu'elle a le Saint-Esprit? Non. Est-ce que Dieu n'a pas utilisé cette sorcière? Non, c'était Satan qui parlait de sa bouche. Et ce que le diable disait là sur Paul était vrai. Donc, ce n'est pas parce que les prophéties qu'ils font, prophétie, et que vous avez les preuves que c'est vraiment ça, ça ne veut rien dire. Bien aimé, ça ne veut rien dire. Les vrais hommes de Dieu ne portent pas de chevalière au doigt. Les chevalières, c'est dans les loges ésotériques. Ce sont ces gens-là qui portent les chevalières. Un vrai homme de Dieu n'a pas de chevalière ici. Enfant de Dieu, qu'on ne vous trompe pas, réveillez-vous. Les hommes de Dieu ne portent pas de chevalières. Les chevalières, on les trouve dans la franc-maçonnerie. Les chevalières même de la franc-maçonnerie sont des bagues travaillées. Ce n'est pas des bagues simples. Donc, qu'il enlève ça et il vous dit, voilà, j'ai enlevé. C'est du pipeau, c'est du mensonge. Pour que la puissance démoniaque, je vais terminer par ça, qui est liée au mouchoir, qui est liée à la barbe, qui est liée à l'huile d'olive, pour que cette puissance soit brisée, il faut que l'objet passe par le feu. Je dis bien par le feu. Actes des Apôtres nous dit clairement qu'on amenait ces choses et on les brûlait devant tout le monde. Si votre pasteur veut vous prouver sa bonne foi, il faut qu'il brûle la barbe, qu'il brûle le mouchoir et ses huiles devant tout le monde. Mais s'il ne le fait pas, c'est un menteur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'est avec plaisir que je vais partager avec vous cette petite exhortation. Là, je vais lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, au verset 12. Voici ce que Jésus nous dit. Lorsque tu donnes un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Jésus nous dit, quand tu fais un festin, c'est une parole spirituelle, hein? Je crois que ceux qui ont des oreilles entendent et comprennent ce que Jésus est en train de dire ici. Si vous voulez, il est en train de nous dire, quand tu fais du bien, fais-le à des personnes qui ne sont pas capables de te le rendre. Parce qu'à partir du moment où tu fais du bien à des personnes qui ne peuvent pas te rendre ce bien, Dieu le Père te le rendra à la résurrection des justes. Une façon de dire, mes frères, mes sœurs, quand vous faites du bien, ça ne tombe pas par terre, ça ne tombe pas dans l'eau, comme on dit. Parce que les gens ont l'habitude de dire, nous sommes dans un monde ingrat. L'ingratitude est dans les cœurs. L'ingratitude est dans le monde. C'est le chacun pour soi. Les gens sont indifférents. Tu es dans le besoin, ce n'est pas leur affaire. On est dans un monde égoïste. On ne pense qu'à soi-même. Mais Jésus nous dit, lorsque tu donnes un festin, fais-le, invite les personnes qui ne sont pas capables de te rendre l'appareil. Parce que si tu invites les personnes riches, demain après-demain, eux aussi feront une fête, ils vont t'inviter. Et là, tu n'as pas de récompense. Si tu invites les personnes qui ont des moyens, quand ils feront une fête demain, eux aussi vont t'inviter. Tu n'as pas de récompense. Dieu dit, fais le bien à des personnes qui ne sont pas capables de te le rendre. Ton Père qui est dans les cieux et qui a vu ce que tu as fait, te le rendra. Parce que les gens ont l'habitude de dire, attention, mon frère, ma soeur, j'espère que tu ne parles pas comme ça. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, oh, je fais le bien aux gens, ils ne sont pas reconnaissants, j'en ai marre. Moi, j'ai l'habitude d'aider, j'aide les gens. Je vois quelqu'un dans le besoin, je participe pour le délivrer, pour qu'il soit dans une bonne situation. Je ne peux pas rester indifférent quand quelqu'un est dans le besoin, mais je suis déçu parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Tu ne fais pas le bien. Le Seigneur te dit, tu ne fais pas le bien parce que la personne va te le rendre. Fais le bien parce que le Père te le rendra à la résurrection des justes. C'est ce que la Bible dit. Tout le bien que tu fais ne va pas dans l'eau. Tu ne fais pas le bien, tu ne jettes pas ça dans la poubelle. Dieu voit ce que tu fais et Dieu te le rendra. Je vais lire dans Apocalypse au chapitre 14 au verset 12. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Dieu te dit dans l'Apocalypse 14 que tout le bien que tu as fait aux gens, tout ce que tu as fait, que ce soit aux membres de ta famille, que ce soit aux amis et connaissances, ces bonnes œuvres-là, quand tu vas mourir, vont te suivre. Tout ce que tu fais est comptabilisé. Tout ça va te suivre parce que tu auras une récompense. Donc, ne dis plus, je fais le bien aux gens, ils ne sont pas reconnaissants. Non, ne fais pas le bien, ne donne pas un verre d'eau à quelqu'un parce que tu attends quelque chose de lui. Parce que si demain lui aussi te rend le verre d'eau, tu n'as plus de récompense. Jésus nous a dit dans l'évangile de Luc, fais-le à des personnes qui ne sont pas en mesure de te rendre l'appareil. C'est Dieu qui te le rendra. Or, si toi tu fais du bien parce que tu espères quelque chose en retour de la part de ces gens, tu n'as plus de récompense avec Dieu. Donc quand tu donnes à quelqu'un qui n'est pas capable de te rendre sur le bien que tu lui fais, c'est Dieu qui te le rendra. Parce que la Bible dit dans Apocalypse que quand tu vas mourir, toutes ces bonnes œuvres-là te suivent. Ça ne reste pas sur terre. Tout le bien que tu as fait ne reste pas ici. Ce bien-là va avec toi. Quand tu vas aller vers Dieu, Dieu va te récompenser parce que le bien-là te suit. Gloire à Dieu. Je vais lire dans Matthieu 25. C'est Jésus qui parle. Je vais lire à partir du verset 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Le roi ici, c'est Jésus. Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous vous souvenez que Jésus-Christ nous a dit, nous les croyants, que je m'en vais vous préparer une demeure. Et ici, le Seigneur est en train de dire, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Écoutez la suite au verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Ça, c'est Jésus qui parle. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Le Seigneur nous exhorte à faire les bonnes œuvres. Parce que quand on va mourir, tout le bien là nous suit. C'est ce qu'Apocalypse 14 dit. Tout le bien que tu fais. Arrête de dire, les gens ne sont pas reconnaissants, je ne vais plus faire le bien. Oh, je fais le bien aux gens. Et ces personnes-là me critiquent. J'aide les gens et après on me poignarde au dos. J'aide les gens, après ils ne sont pas reconnaissants. Que le diable ne t'arrête pas, continue à faire le bien. Si tu me fais le bien et que demain je te rends la même chose, tu n'as pas de récompense de la part de Dieu. Mais si tu me fais le bien et que moi je suis incapable, je n'ai pas les moyens de te faire ce que tu m'as fait, Dieu te le rendra. Ça, c'est ce que Jésus nous dit dans Luc. Que si tu invites quelqu'un et que demain après demain lui aussi te rend l'appareil, tu n'as pas de récompense. Mais si tu invites celui-là qui n'est pas capable de t'inviter parce qu'il n'a pas de moyens, c'est Dieu qui te le rendra. Et dans Apocalypse 14, on nous dit que nos bonnes œuvres, nos œuvres nous suivent. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs travaux, leurs œuvres les suivent. Parce qu'il y a la récompense devant. Tu seras récompensé. Tout le bien que tu as fait durant ton séjour sur la terre va te suivre. Et tu auras une récompense. Dieu t'encourage aux bonnes œuvres. Je vais lire au verset 40. Et le roi leur répondra, parce que ces gens vont dire, mais Seigneur, à quel moment on t'a vu, tu étais nu et on t'a donné des habits? À quel moment tu avais faim, on t'a donné à manger? À quel moment tu étais en prison? Et Jésus répond au verset 14. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand tu donnes un ticket de bus à un frère en Christ, c'est à Jésus que tu donnes le ticket. Quand tu dis, frère, tiens cette enveloppe, c'est à Jésus que tu donnes l'enveloppe. La bien-aimée qui est malade, quand tu vas la rendre visite, prier pour elle, tu le fais pour Jésus, c'est à Jésus que tu le fais. C'est pourquoi Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu me fais le bien, c'est à Jésus que tu le fais. Quand tu fais le bien à un frère, à une soeur en Christ, c'est à Jésus que tu le fais. Quand tu fais le mal aussi, à un frère, à une soeur, c'est à Jésus que tu le fais. C'est à Jésus. Quand tu fais du mal à un enfant de Dieu, tu le fais à Jésus. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Saul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et pourtant, Saul persécutait des hommes. Des hommes, des croyants.